Jérémie chapitre 19. Ainsi a dit l'Éternel, va, et achète une bouteille de terre d'un potier, qui prend des anciens du peuple, et des anciens des sacrificateurs, et sors à la vallée du fils d'Hinnom, qui est auprès de l'entrée de la porte orientale, écris là les paroles que je te dirai. Dites donc, roi de Juda, et vous, habitants de Jérusalem, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je m'en vais faire venir sur ce lieu-ci un mal, tel que quiconque l'entendra, les oreilles lui en tinteront. Parce qu'ils m'ont abandonné, et qu'ils ont profané ce lieu, ayant fait des encensements à d'autres dieux, que ni eux, ni leurs pères, ni les rois de Juda n'ont point connu, et parce qu'ils ont rempli ce lieu du sang des innocents, et qu'ils ont bâti des hauts lieux de Baal, afin de brûler au feu leurs fils pour en faire des holocaustes à Baal, ce que je n'ai point commandé, et dont je n'ai point parlé, et à quoi je n'ai jamais pensé. À cause de cela, voici, les jours viennent, dit l'Éternel, que ce lieu-ci ne sera plus appelé Tophet, ni la vallée du fils d'Hinnom, mais la vallée de Turi. Et j'anéantirai le conseil de Juda et de Jérusalem en ce lieu-ci, et je les ferai tomber par l'épée en la présence de leurs ennemis, et en la main de ceux qui cherchent leur vie, et je donnerai leur corps mort à manger aux oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre. Je détruirai cette ville, et je la couvrirai d'opprobre, quiconque passera près d'elle sera étonné, et lui insultera à cause de toutes ses plaies. Et je leur ferai manger la chair de leur fils, et la chair de leur fille, et chacun mangera la chair de son compagnon durant le siège, et dans l'extrémité où les réduiront leurs ennemis, et ceux qui cherchent leur vie. Puis tu casseras la bouteille, en présence de ceux qui seront allés avec toi. Et tu leur diras, ainsi a dit l'Éternel des armées, je briserai ce peuple et cette ville, de même qu'on brise un vaisseau de potier, qui ne peut être soudé, et ils seront ensevelis à Tophet, parce qu'il n'y aura plus d'autre lieu pour les ensevelir. Je ferai ainsi à ce lieu-ci, dit l'Éternel, et à ses habitants, tellement que je réduirai cette ville au même état que Tophet. Et les maisons de Jérusalem, et les maisons des rois de Juda, seront souillées, comme le lieu de Tophet, à cause de toutes les maisons sur les toits desquelles ils ont fait des parfums à toute l'armée des cieux, et des aspersions à d'autres dieux. Puis Jérémie s'en vint de Tophet, là où l'Éternel l'avait envoyé pour prophétiser, et il se tint debout au parvis de la maison de l'Éternel, et dit à tout le peuple. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je m'en vais faire venir sur cette ville, et sur toutes ces villes, tout le mal que j'ai prononcé contre elles, parce qu'ils ont roidi leur cou pour ne point écouter mes paroles.